Non chiedi libertà, lo sai non sono io a incatenarti qua, il sentimento va già libero da sé. Tu quanto amore dai, in cambio niente vuoi. Nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? Un angelo disteso al sole che è caduto qua, nuda verità, e fa l'amore anche la. Che mi vuoi, non devi fare niente che non vuoi, il cuore non ci sta in una scatola e tanto meno noi. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? Aquí estem una vegada més a Musicòpolis, la capital de la música. Fa uns programes havíem escoltat la música d'Eros Ramazzotti, el seu més nou single amb la seva versió en castellà. Avui mateix, amb aquest espai, us presentem el que és la versió original de l'àlbum Un Angelo Disteso al Sole, que ens arriba amb Eros Ramazzotti, amb la cançó del mateix nom. I és que l'italià també és un dels idiomes més bonics per escoltar bona música. Salutacions a càrrec de Rafael Corbí, Musicòpolis, la capital de la música. I ja que parlem d'idiomes bonics, el nostre és el millor. És el tema de La Porta dels Somnis, Aprendre de tu. Amb els braços oberts vull veure el món des dels teus ulls. considerant-te una possible part de mi. Perquè saber del cert, jo no sé ben bé res de res, només sé que ara només vull aprendre de tu. D'allò que em vulguis donar serà benvingut, confio en tu i en la foscor, sóc amb els braços oberts, vull veure el món des dels teus ulls. Per avui, avui vull és Adriana Freeman amb Will Not Be Your Tennessee aquí al teu programa Musicòpolis, la teva ràdio fórmula musical. You packed your bags again like they've been a million times before. You wish we never met, but you never get farther than the door. Every time we try to say goodbye, it makes it harder when you won't. So here we go again, holding on to something that is gone. If you're leaving, just go. Cantant americana, protagonista de diferents estils musicals barrejats amb un americana music, amb un toc de country, de soul, de blues, del que vulgueu. Adriana Freeman és una veu a tenir en compte amb aquest Will Not Be Your Tennessee. Anem cap a França amb un dels darrers èxits en aquest país, Dean Bourdigo, i el meu mal francès amb la pronunciació del rime a Gages. Yo-yo. Yo, mes hooligans, tous les soirs pour le casse, traîne sur les boulevards, saoulés par tous les bails, sous les bâtiments tout pérable, liés à la vitre, car la vie, ça, la boule zéra, qui se pavent à nous les gars, loin de la vie, pas la télé, tous les mâts, plus de faux débarque, de coups d'éclat, nous en voulait pas, on fout des claques quand on pouille dès le mic, écoutez as, la vie dégoûte, les écrits, des couples, les vrais, n'en doutez pas, entre vous et moi, comme tous les coups, ça bouge, j'suis sous les graves, redoute le coup de grâce, et j'n'oublie pas, même fourré sous les draps, traîne autour de mes gars, comme si j'voulais que tous les poulets mouvent les bras, et rêve de coup d'état, tu joues les braves devant mon coup de dis-moi, tu serais pas fou des fois, je te le dis vieux, arrête de suite. Mon entourage des étudiants ou dis-leur barrette de shit, parle de nous avec estime. Je m'appelle Dean, mais je dois l'avouer, j'aime recouler toutes les journées. Je suis pire que fou les devant un boule moulé. Je parle pas aux heureux, mais je suis heureux devant une boule mouillée. Cousse tous mes boucs fourrés dans des coups, fourrés rêve de sous avec les orifices de jolies filles. Sol et toutes bourrées, rêve du mode de vie des gosses de riches, la coule est douce, douce, couvrée. Fuck le bise, les glocks, les risques, je préfère laisser la foule grouver tes boucs troublés. Sans conneries, c'est top, je vise. Faut que je le dise, mec, j'ai ma propre devise. Une fois que la fame et rock la scène comme le pape rock l'église. Regarde-nous aller en guerre, guerre, guerre. Des salons qu'on t'en remplir. Respect ce truc lentement, tout rapace. Beurre, bigo, l'avenir. Regarde-nous aller en guerre, guerre. Assassin du chrome, check celle dessus pour les vrais mecs de rue. Beurre, bigo, respect ce truc. Traîne les rues avec de vrais gus, têtu comme on en fait plus. Hey day, on déguste et j'parle pas de gastronomie. Rêve de star plus fétus, j'parle pas d'astrologie. Mes potes aux hydrogonisologies, au joke biologique. Et j'suis ça là ce soir, dis là y'a pas d'apologie. J'kick ma race quand le beat tabasse ta Apollo Creed. Maladochromie, soigné à la biologique. Mythique cristalline, limite après limite ma colonie. C'est le phrasé qui prend pour les vrais mecs de rue. Trouve-moi avec base et 10 entouré de 16 belles de luxe. Respect ce truc, j'excelle dessus, t'essayes de sus. Mais mec, j'te jure que c'est peine perdue de pomper. Même si le buzz enf, j'en apprécie l'ampleur. J'veux voir l'équipe écrit en cœur, mais dit David dans le club. C'est pour mes vrais types, et c'est aux quatre coins du globe. Mes frères des sudiennes, les murs mieux que les parfums du flop. C'est quel calepin du pop, assassin du chrome. Traîne dès le matin, même assain avec tarpin de prose. Moi, j'suis atteint et j'pose. Ma race emplie de lucidité, mon cœur et mes tripes. Humeur électrique déclenche l'hostilité. Peur, pico, plus tech que les américains. J'vais fédérer les frères, fais l'effet, l'effet d'un écrivain. J'raconte les péripéties de mon époque et de mon épopée. Écris des rimes de névrose et pour l'époque qui rôde et corps. C'est peine des lobes, cherche des lobes et sans déconner. Zone et j'connais pas que ça à faire. C'est du vite rapper, de vue, pas de casse à perdre. Un jour on parle, prends la fraîche, te jure, rap à la scène. Et ça sera la fête, cousin. En attendant pas de roro sur mon pendentif. Indépendant, avec les potos locaux, monte un grand empire. Des salons pour t'en remplir. Blague pas, sans mentir. La famille, l'entourage, la relève, l'avenir. Je reconnais ton poste quand le micro on dégaine. Guerre sur un. Beurre, bigo, bigo, l'entourage. Le plus mal, écoute ton hip hop, ta famille. C'est chaud, c'est pour mes prédits. Crois-tu que je viens avec. J'assassine sans réaction. Assassin du chrome. C'est le phrasé qui prend pour les vrais mecs de rue. L'heu dit, doncs, amb aquesta interessant cançó que ens aportaven, amb aquests ritmes que no són habituals amb el nostre programa, Dean Bourdigo ens conduïa una de les seves peces musicals. Seguirem amb més novetats discogràfiques, més cançons que ens arriben des d'arreu i que us fem arribar a través del nostre programa. Temes tropicals. Perequeca és una peça de DJ Shock que està conquerint les llistes internacionals de música tropical. Sobretot aquestes llistes tenen èxit als Estats Units. Tropicals, em penso que els hi ha tocat una mica massa el sol aquest estiu passat i per tant no saben exactament què posar-se. De totes maneres, això la gent ho balla i molt, i sobretot depèn de quines hores hi ha de la matinada. És l'original mix del Pere Ereca amb DJ Shock. Per mi ha estat un xoc i ja en tinc prou. Sira Martin, Love You Tonight, el Radio Edit de Vicente Lara. És un dels darrers temes que ens aporta Coldplay amb aquest Hearts Like Heaven, la versió editada per ràdio que escoltàvem a través del seu EP de llançament i també de l'àlbum Milo Xiloto, realitzat al Regne Unit, en concret enregistrat a Londres, World Champion, a la composició d'aquesta cançó. Tanguem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis i ho fem amb una cançó en castellà, no l'havíem escoltat cap amb el programa d'avui, és Maria Villalón, amb La ciutat de les bicicletes. Recuerdo que había niebla a mi alrededor. Yo pensaba encontrarme contigo, volver al camino que un día dejé por las ganas de sobrevivir. Recuerdo que era perfecto nuestro alrededor, pero entonces rompiste lo etéreo, se hizo pequeño mi mundo, escapaste y no supe nada de ti. De las bicicletas nos espera. Saltaremos baldosas, sobre mariposas por las aceras. La ciudad de las bicicletas no ha cambiado y nos ha perdonado que hayamos pensado en dar la vuelta. Dejamos de ser un tiempo algo regular. Paseamos con fuerza titánica las dulces y bellas visitas al paraíso. Solo dime que echas de menos caminar sin mí. Te imaginas mis dedos al despertar recorriendo tus huecos.